Bonjour et bienvenue sur le podcast numéro 5 de Youngtis. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde et à mes côtés, il y a des habitués du podcast en la personne de Ali J. Bonsoir. Potaval. Hola niños. Et un petit nouveau, Opa. Et ouais, je suis là, on sort. Ça va, pas trop stressé pour la première? Non, ça va. Ça va bien se passer. Mais oui. Toujours un peu douloureux au début, mais. J'attends le bisutage. Non, on n'est pas comme ça. Changement de forum, changement de mentalité, on est cool maintenant. Ok. Donc niveau sommaire, bon, on va faire un petit tour des groupes, parler des équipes qui nous plaisent, quoi. On va peut-être pas trop s'étancher sur la Namibie, la Géorgie, ces nations-là, désolé pour leurs fans. Et après, on va faire nos petits pronos pour déterminer qui sera le grand vainqueur dans un mois et demi de la Coupe du Monde. Donc c'est parti avec la poule A, donc composée du pays hôte, l'Angleterre, et qui est bien accompagnée donc avec l'Australie, le Pays de Galles, les Fidji et l'Uruguay. Alors est-ce qu'il y a un favori pour vous qui se détache dans cette poule? L'Uruguay. L'Angleterre, hein. L'Angleterre, ils sont à domicile, donc forcément ça tombe sous le sens. Puis bah l'Australie, ils seront pas loin derrière, quoi. J'aurais dit, oui, de toute façon, les quatre là, dans les quatre noms de devant, parce que l'Uruguay, bon, on rigole un peu avec, mais à part prendre des valises, ils vont pas faire grand chose. Mais dans les quatre, il y a des bonnes têtes de quart de finaliste, quoi. Ouais, malheureusement, pour le Pays de Galles, ils ont perdu Jalf Penny et Webb, donc ça va être dur. Et les Fidji, c'est un peu léger. Ouais, les Fidji, dans une autre poule, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Dans la poule B, ils auraient pu faire quelque chose, mais là, dans la A, ça va être vraiment dur. Il y a trop d'équipes. Et donc, le Pays de Galles, pour vous, c'est les récentes blessures, ça les a vraiment affaiblis, ça va les empêcher d'aller plus loin. Bah, quand t'as l'Angleterre et l'Australie devant, ça va pas être évident. Moi, je suis pas aussi affirmatif pour l'Australie. Je les ai pas trouvés si souverains que ça pendant le formation. Je sais pas, je les vois. C'est possible pour moi qu'ils se fassent accrocher par les Gallois, même s'il leur manque ces deux joueurs-là. Bah, après, l'avantage pour le Pays de Galles, c'est qu'ils vont jouer deux matchs au Millennium. Donc, ils auront leur public avec eux. Mais je joue pas l'Australie au Millennium, par contre, ça sera à Londres. Non, je sais plus quel match. Certainement l'Angleterre, non? Uruguay, Fidji. Ouais, c'est les deux petits. Bon, après, même à Londres, je pense qu'ils seront bien soutenus contre l'Australie. Ouais, ouais, c'est pas non plus... c'est pas aux antipodes, hein. Ouais. Mais bah, non, ça... ouais, moi, les Gallois, je sais pas, ça m'étonnerait pas qu'ils croquent les Australiens, que j'ai pas trouvé si monstrueux que ça cet été. Ils ont quand même fait tomber les Blacks, ce qui est pas donné à tout le monde. Moi, je vois plutôt Angleterre-Australie, quand même, sûr. Et avec un favori pour la première place, peut-être? Ils sont un peu légers pour aller chercher ces équipes. Et pour la première place, plutôt Angleterre, du coup, je présume. Ouais. Là, eux, par contre, tu vois, je crois absolument pas en la théorie de l'accident parce qu'ils sont à domicile. Ils ont l'avantage de débuter contre une équipe qui est quand même pas des foudres de guerre. Pour se mettre en confiance, il y a moyen, en commençant par les Fidji, puis après, pour eux, ça peut dérouler. Hein. Pour le premier tour, ouais. Ils sont en difficulté dans le groupe. Fidji, Pays de Galles, Australie. Et ils se finissent un petit Uruguay pour... recharger les joueurs. Recharger les batteries un peu. Non, ils ont parfait calendrier. Ouais, c'est la montée. Ils ont montré qu'ils avaient le niveau pour gêner les équipes du Sud. Et c'est à peu près les seuls à leur montrer en hémisphère nord. Donc. Ouais, sur cet été en tout cas, oui. Après, pour le cœur, moi j'aimerais bien. Quand même, un petit exploit fidjien, ça fait toujours plaisir. Quand même. Sur quel match tu les vois? Sur l'Uruguay. Le Pays de Galles. Comme en 2007. C'est tout pour la poule A, pas d'autres remarques peut-être, non? Je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur les trois gros. Sur les trois gros, ouais. Eh ben ok, bon, on passe avec la poule B. Un petit mot sur l'Uruguay quand même. C'est l'Uruguay, bon, oui, on se fait pas d'illusion, mais bon, c'est quand même con que Capo Ortega soit pas là. C'est quand même leur star. C'est quand même con qu'il soit pas là. Bah, il a esquivé, pourquoi déjà? C'est une raison un peu bidon en plus, je crois, c'est, enfin, la couche, entre guillemets, quoi, c'est l'accouchement de sa femme. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Et déjà, en top 14, il a manqué le match de Toulon avec Cass parce qu'il y avait le mariage de son beau-frère, donc, un truc comme ça. Donc, bon, après, il a pas l'air de se prendre trop la tête comme gars, quoi. Ouais. Il est plutôt cool. Après, on va pas se mentir, l'Uruguay, c'est comme la Namibie, ils sont vraiment là pour dire qu'on fait une Coupe du Monde et qu'on rassemble pas toutes les équipes qui jouent régulièrement, quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Et du coup, dans la poule B, on retrouve pas vraiment de petites équipes, quoi. Le niveau est plus homogène. Bon, il y a l'Afrique du Sud, qui est la tête de série qui est un peu au-dessus, mais après derrière il y a l'Écosse, les Samoa, le Japon et les États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette poule? Première place pour l'Afrique du Sud. Après, la deuxième place, ça va être. Je pense que les États-Unis sont un poil en dessous. Les La Japonais deuxième aussi. place. Ouais, les Japonais aussi, ouais. Donc, ouais, la deuxième place entre les Samoa et l'Écosse. Ça me semble correct. Du coup, faut se mouiller un peu. Samoa ou Écosse? Moi, j'aimerais franchement les Ouais. Samoa. Ouais, le cœur parie pour les Samoa, mais la raison, l'Écosse. Quand on voit le chat que fait Ivan Cotter là-bas, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Je dirais plus Écosse aussi. Je pense que ils ont quand même plus de qualité sur toute l'équipe par rapport au Samoa. Samoa, il y a quand même des trous, notamment la charnière, moi je la trouve vraiment bof. Ouais, Je dirais plus Écosse quand même. les Samoa, ils ont pas de buteur performant. On voit Pissi, il est vraiment irrégulier. Les Écossais de leur côté, ils ont Laidlaw, c'est un très bon buteur, il est vraiment régulier lui au contraire. Donc je pense que ça peut faire la différence. Ce qui est bien en tout cas dans l'agencement de cette poule-là, c'est qu'on aura le huitième de finale Samoa-Écosse, dernière journée, quoi. Un peu comme dans la poule précédente entre Australie-Pays de Galles d'ailleurs. Alors, si la logique suit. Ouais. Ouais, parce que d'ailleurs ils peuvent pas se faire surprendre Samoa-Écosse sur un petit match contre le Japon, États-Unis. Les Samoa, si. Les Écosses, je ne vois pas se faire surprendre contre le Japon ou les États-Unis. Mais les Samoa, pourquoi pas? Après j'ai du mal à voir les petits Japonais rivaliser avec les gros Samoans. Oui, ils ont des. Je pense que physiquement, quand même, ils risquent de. Ça a mené quoi au Pacific Nations Cup cet été? Ils ont fait quoi déjà les Samoans face aux Japonais et aux États-Unis? C'est une très bonne question. Alors, Est-ce qu'ils se sont joués déjà? Bah, normalement, oui. Samoa a joué les États-Unis, mais ils ont pas joué le Japon, je crois. Et Ouais, ils ont s'ils pas se joué jouent toutes les équipes. pas, ils se jouent pas tous, ouais. États-Unis ont battu le Japon. Samoa a battu les États-Unis. Et Japon avait battu le Canada, je crois. Ouais, donc c'était un beau bordel, quoi. Pour résumer un peu. Mais c'est toujours été des rencontres serrées, donc moi je pense que c'est possible qu'ils se fassent surprendre, allez, Samoa. Du coup, un petit mot sur l'Afrique du Sud, inquiet ou pas après cet été très très bof quand même, avec notamment cette défaite à domicile contre l'Argentine, c'est plus un accident ou c'est plus inquiétant que ça? Tiraillé. Ouais, je suis mitigé là-dessus aussi. Hein. Parce que c'est. Quand tu vois qu'ils sont obligés de rappeler des mecs comme Matt Field Ah, c'est pendant les inquiétant. formations pour amener Pourtant, de en plus, l'expérience. c'est quand même une sacrée usine à deuxième ligne, quoi. Les Quand tu vois tous les. Sud-Africains, ils en sortent à l'appel et ils sont obligés de rappeler Matt Field, ouais, c'est vrai que ça fait. Mais même quand tu vois qu'il n'y a pas des gars comme Jacques Fourie ou Foy Duprez. Attention à Non, Dufour et Jean Dupfries. Devilliers. Jean Devilliers aussi. Ils ont du monde quand même à ce poste-là. Au centre, ils ont Serge Montagne et tout. C'est un peu inquiétant qu'ils soient obligés de rappeler ces joueurs-là. Qui sont partis au Japon depuis 2-3 ans, non? Et Fourie, du coup, est dans le squad, j'ai pas trop suivi. Ouais, je crois. Ah, quoique, à Je vais la mairie, ils ont vérifier, mais tout dit. Fourie, il me semble pas qu'il y ait. Non, non, non. Fourie, y a pas. Mais il y a bien De Villiers, il y a bien Dupraz. Oui, non, le Jacques Matt Fourie, non. Field. Il est pas là. Mais il était dans le groupe élargi, ouais. Tu as Quoique, la moitié de. ils ont appelé Kirchner aussi, quand même, qui est. Leinster. Rudy Page, ça, je comprends pas, moi. J'ai beaucoup suivi les Bulls en Super Rugby, j'ai toujours trouvé super mauvais ce Rudy Page. Question de quota peut-être ou... C'est probable, moi j'aurais dit. C'est ça, ouais, on a toujours le doute quoi. J'ai envie de dire, nous on a Thalès, ils ont Page. Doucement, doucement, on va y arriver, on va y arriver. Non, mais l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui fera son quart de finale tranquille. Oui, minimum, je pense. Mais après, en quart, ils vont affronter du Par lourd contre, direct, quoi. voilà, c'est Après, ça, ouais, c'est ça que. sera une croisée avec la poule A, c'est En ça? quart, ouais, Ouais. c'est Oui, Angleterre, Australie, Pays de Galles. va falloir être prêt, quoi. Là, pour le coup, c'est la poule des monstres qui croise celle des équipes un peu faiblardes, quoi. Donc, les autres, s'ils ne sont pas bien préparés, tu te Mais prends une équipe qui est bien lancée d'un coup. s'ils prennent l'Australie, je les vois quand même au-dessus de l'Australie. Sur un match, oui, mais bon, après. En plus, il y a des petits contentieux quand même entre les deux, quoi. Il y a 4 ans, ils les ont tapés, je crois, non, les Australiens. C'était un match tout pourri, genre 11-9, un truc comme ça. Ils les ont tapés aussi cet été. Ah, il y a eu beaucoup de matchs comme ça. C'est très tendu entre les entre deux, donc ça peut être sympa. Ouais. Et oui, je voulais dire un truc sur les box, mais je me rappelle plus. Ça sera l'occasion de voir la moitié de l'équipe de Montpellier sur le terrain. Non, mais ouais, les années précédentes, ils ont souvent fait des équipes avec quand même beaucoup de joueurs d'expérience. Quoi. Je me rappelle en 2007, il y a beaucoup de vieux aussi. C'est quelque chose qui est pas choquant quand même venant d'eux. Quoi. Ils aiment bien avoir toujours leur petit vieux. Donc. Ouais, mais si je dis pas de bêtises, c'est quand même des vieux qui étaient, ils étaient là dans la continuité. Dans le squad, où là je t'ai dit, mais comme Jean de Villiers, il a disparu pendant un bout de temps, non? Il s'était blessé gravement. Aussi, ouais, c'est vrai. En novembre, au Millennium, je crois, il s'est fait un truc. Et je crois que juste avant, il était titulaire hein, déjà avant sa blessure. Ouais, c'était le capitaine en plus, ouais. Ouais, c'est toujours le capitaine. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, avec cet été, avec les performances qu'ont fait DLND et Jesse Krill au centre. Ouais, Jesse Krill, ouais. Ça va être dur pour lui quand même. Hein. Oui. Ça va pas être facile pour lui. Mais bon, ils en auront besoin quand même. Et François Stein, il est là ? Non, il y est pas. Ouais. Il a pas été pris aussi, je crois. Je sais même pas s'il était dans le groupe élargi, lui, d'ailleurs. Il me semble, si, justement. Il y était, ouais. Bah parfait, je pense que c'est bon, on a bien fait le tour, non, pour cette poule B. Ça me semble correct. Non, du coup, ouais, Afrique du Sud premier, Écosse deuxième, Samoa 3. Et derrière, bon, on s'en fiche un peu. Ouais, un petit peu. On est méchant avec les petits. Avec les petits. D'ailleurs, il y aura un match décisif pour la quatrième place, justement, entre les USA et le Japon. Et la quatrième place, c'est un peu. Dernière journée aussi. Dernière journée qui va être haletante. Allez, poule C, la poule des All Blacks. Du coup, qui sera en compagnie des Argentins, des Tongiens et des Géorgiens, ainsi que les Namibiens. Donc là aussi, une poule qui devrait pas réserver beaucoup de suspense, quoi. Encore moins que les autres, je pense. Voilà, celui-là, à part le Géorgie-Tonga éventuellement pour la troisième place, tu sais déjà qui finit à la première, à la deuxième place. Hein. Ouais, exactement. Et là, en plus, on va très vite le savoir, parce que c'est le premier match. C'est ce week-end, ouais. Ce sera dimanche soir, donc le 20 septembre. Nouvelle-Zélande-Argentine cash à Wembley. Et surtout que les Neo Z, ils arrivent un peu avec, ils ont l'air d'être sans pression, ils sont arrivés un peu détachés de tout, et au final, s'ils veulent se rentrer bien dans la compétition, foutre une grosse valise, c'est le moment de le faire, quoi. Donc ça peut faire très mal aux Argentins. À marquer son territoire direct. Ouais. Ah, Nouvelle-Zélande, va se balader, quoi. Et après, est-ce que ça va être une bonne chose de faire une phase de poule aussi simple? Par rapport peut-être à des Anglais qui ont des matchs, déjà deux gros matchs à faire. Vous êtes plutôt dans quelle optique, vous? Bah, le truc, c'est que au final, tu regardes les poules, à part la poule de l'Angleterre, il n'y en a pas beaucoup de compliqués. Hein. T'as l'impression que toutes les autres équipes se trouvent dans des poules faciles, plus ou moins. Bah, celle de la France, elle est quand même relativement homogène. Ouais, même celle de l'Afrique du Sud, quand même. Sans pour autant être compliquée, elle est quand même assez homogène. Afrique du Sud aussi, quand même. Ouais, Samoa, Écosse, Japon, États-Unis. C'est quand même un peu plus relevé que Tonga, Géorgie, Namibie, par exemple. Le Nouvelle-Zélande a vraiment des matchs faciles, quoi. L'Afrique du Sud, il y en a pas un où je me dis, ils vont mettre 100 points, quoi. Ah, mais c'est peut-être mieux, tu vois, c'est pas trop dur, mais c'est quand même une opposition bonne, une bonne opposition. Alors que là, Géorgie, Namibie, ça sera des matchs d'entraînement pour les All Blacks. Géorgie, à part jouer devant, se confronter devant, les Tongiens vont faire une opposition derrière, et puis la Namibie, ils vont coller des points, quoi. Ça laissera le temps à Naolo de revenir tranquillement, quoi. Ah oui, mais là, c'est. Alors lui, par contre, il est venu, il a un mois de vacances tranquille. il revient contre la Géorgie, lui, non? Troisième match. C'est ce qui est prévu, ouais, normalement. Ouais. Il devrait pas avoir besoin de lui pour leur coller une valise, hein. Mais... Voilà, il y aura de pas façon, le faux lac. Hein. De toute façon, il y a Milner Skodor qui va s'imposer, hein. C'est écrit. Donc ouais, et même l'Argentine, tranquille, la deuxième place. Ouais, pas de soucis, ouais. Je les pense, ouais, quand même, je pense que supérieur au Tonga. Moi, j'annonce que c'est mes chouchous pour la compétition. Je vais les suivre. Ce que j'allais dire. Ah ouais, moi, j'adore cette équipe. Je pense que ça peut vraiment être la bonne surprise de cette Coupe du Monde. J'irai pas jusqu'à bonne surprise parce qu'au final, enfin, s'ils finissent. Oh, remarque, si on finit Ils premier, on finissent passe de deuxième. rêve. Non, mais moi je trouve que c'est une équipe qui était séduisante. Bon, j'avais pas vu en live l'Argentine-Afrique du Sud, je me l'étais maté en différé. Putain, j'avais pris un pied fabuleux, même en connaissant le résultat. Et puis, sur leur match contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie aussi pendant le Four Nations, je les avais trouvés super intéressants. Ça change de voir une équipe qui a quelques combinaisons au départ de touche et de mêlée, quoi. Mais ouais, moi je leur souhaite vraiment de. Je sais pas, une demi-finale, ça me plairait. Bon, ils ont de quoi faire. Eux, Parce qu'en ils ont les finissant armes. deuxième, en finissant deuxième, ils se tapent a priori la France ou l'Irlande. C'est pas impossible pour eux de les battre. Donc, ouais, les finales. Surtout la France. Oui, Ouais, surtout la surtout France, la ouais, c'est France. ça. Surtout. Ils vont croiser les doigts, je pense, là, pour tomber sur nous. Ah, Donc, moi ouais, je sais elle pas est. trop l'Argentine. Demi-finale, ouais, possible, mais pas plus haut. Oui, ouais, je pense aussi, c'est la limite. Oui, après, arriver. Enfin, ils finissent troisième du mondial chez nous, parce qu'en petite finale, personne ne veut la jouer, quoi. Donc, ils peuvent gratter une troisième place aussi, hein. Ouais, l'été Ouais. a l'air de. L'été argentin a l'air de vous avoir pas mal rassuré. Moi, j'ai bien Oui, aimé, ouais. voire enthousiasmé. Voilà, surtout, il y a mon chouchou, il y a Juan Mof, donc. Ah, Je suis obligé de. excellent, excellent. À la filière Racing, hein. Très très bon joueur. Hein. Oh, puis j'aime bien tout ce qui se passe côté rugby en Argentine, ça commence à se structurer, la province qui va arriver dans le Super 15. Enfin, franchement, pour eux, il y a que du progrès en devenir. Hein. Pourtant, en plus, on a l'impression quand même qu'il y avait un petit trou de génération, quoi, par rapport aux générations Pichot, tous ces mecs-là, Contepomi et tout. Il y avait moins de noms clinquants par rapport à avant, quoi. Ouais, mais finalement, toi, les joueurs que tu cites, je pense Ouais, que force. c'était le talent qu'ils avaient le talent. Là, les joueurs qui sont aujourd'hui, donc je sais pas, je pense à des Guido Pelli, à des Facundo Isa et tout, ils ont pas forcément le talent, mais ils ont bossé pour arriver à ce niveau. Et ça peut payer, je pense. Ouais, je pense que oui, ça, au bout d'un moment, ouais, ça, ils vont récolter les fruits de leur boulot. Hein. C'est pas maintenant, ce sera dans 4 ans, je pense. Ils ont peut-être une ou deux années de galère, mais je pense que c'est pour le bien de maintenant et plus tard. Hein. Parce que malgré tout, les joueurs, bah, comme tu disais, Contepomi, Ouais, Pichot, bah c'était. même des Fernandez Lobé ou des Legui Samón, ils ont débuté à une époque où le rugby arrivait à peine dans le professionnalisme, au début des années 2000. Donc j'imagine que là-bas, en Argentine, c'était absolument pas structuré comme ça pouvait être chez nous. Donc ils ont pas pu travailler comme il fallait, je pense. Ce qui a pu leur coûter des performances. Voici moi le rugby argentin structure Ah bah c'est sûr ils sont que capables d'assurer la continuité maintenant. c'est sûr Bon, que leur après intégration dans le Four Nations. ça reste à un niveau inférieur aux trois gros du sud, mais c'est bien, ils peuvent Mais ils titiller progressent. les équipes européennes, ça c'est clair. Ouais, par rapport à il y a 4 ans où ils avaient pris 6 volées, ils ont accroché l'Australie l'an dernier, cette année ils gagnent en Afrique du Sud. Ils font des performances convaincantes à l'extérieur. Ouais, ils sont moins en moins écrasés, donc c'est plutôt positif pour eux. Et le meilleur semble à venir. Du coup, on attaque le gros morceau. Moi, j'ai juste un petit mot sur les Tonga. Ah bah vas-y. Parce que, On est là pour. en faisant leur fiche, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des mecs qui viennent de clubs un peu improbables. Mais je sais pas, j'ai une petite tendresse pour ces mecs-là. Du coup, les types qui viennent de Dax et qui vont te jouer les Blacks en Coupe du Monde. Je trouve ça assez marrant. Et puis, rien que pour la troisième ligne, de voir enchaîner Maafu Fonua avec Latu, là, Mafi et compagnie. Les déménageurs tongiens, ça peut être assez marrant sur 2-3 matchs, donc ouais. Je regarderai avec attention. Et ils vont s'envoyer contre les Géorgiens. Ah bah là, C'est il clair peut que y là, avoir. l'opposition devant, elle va être sympa, ouais. Non mais les Géorgiens, c'est incroyable, les mecs, même les trois quarts ont des physiques de piliers, quoi. Chélisée, on pense à toi. T'es mon gars. En plus, je sens trop qu'il avait fait, il va marquer un essai, tu vois, un truc comme ça, exprès. Contre la Namibie. Exprès pour m'embêter, je le sens. Je le sens bien. Du coup, c'est bon, le petit aparté est fait. Ouais, c'est bon pour moi. Allez, on attaque la poule D. La poule de la France, donc. Une poule très européenne, quoi. France, Irlande, Italie, Roumanie et le Canada, quand même, qui tape l'incruste. Donc allez-y, lâchez-vous sur la France, quoi. Il y a déjà deux, trois salves qui sont parties tout à l'heure, donc là, c'est le moment maintenant. On va déjà commencer par les autres équipes, hein, histoire de déblayer le terrain. Et voilà, après, on passera aux insultes après. Ah, il a cassé mon intro, quoi. Bon, clairement, l'Irlande sera dans les deux premiers, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, j'ai eu quelques doutes sur leur, pour leur match de préparation. Là, ils ont fait quelques sorties un peu approximatives, mais enfin, disons que eux, ils ont quand même un fond de jeu depuis 4 ans sur lequel s'appuyer, des fondamentaux solides. Donc ils sont capables de rebondir assez facilement, et puis ils sont pas dépendants d'un seul joueur comme peut l'être l'Italie, et là malheureusement pour eux l'Italie. Ah, la blessure de Sergio Parisse pour le premier match. Ils ont aussi Luca Morisi qui a été blessé. Bon après je pense pas que ça fasse une grande différence avec lui. Mais ouais, la blessure de Parisse pour l'Italie va. Surtout pour le match contre la France, où je pense que ça aurait pu être le match qui pouvait faire basculer l'Italie dans les deux premiers. Moi, l'Italie, j'y crois pas du tout. Hein. Je pense que l'Irlande est bien au-dessus, la France, on y reviendra plus tard, mais je pense quand même que ça va passer. Après, troisième place, ils peuvent se faire accrocher par le Canada ou la Roumanie. À ce point, je pense, ouais. Ouais, oui, oui, oui. Accroché, j'ai pas dit battu, mais accroché. D'accord. Après, le Canada, c'est un peu l'équipe fantôme, quoi. On en entend parler tous les 4 ans, mais on sait pas à quel niveau ils sont, quoi. Ouais, ils sont un peu dans le mal. Bah, en 2011, ils nous avaient causé des problèmes. On avait réussi à se défaire dans les 20 dernières minutes. On leur a fait coller 30 points, je crois, quelque chose comme ça. Dernier résultat du Canada, ils sont assez horribles. Oui. Bon, après, il y a notre ami Jimmy Cudmore. Ah bah, oui. C'est l'assurance d'avoir 2-3 pour pif. Avec Papé, quoi, on espère que ça va envoyer un peu quand même, quoi. Un minimum, ouais. Petit carton jaune aussi. Il leur manque Taylor Paris, surtout. Et Jason Marshall. Ouais, un peu moins, je pense. Mais c'est tout Paris, ça. Bon, après, derrière, ils ont Van der Merwe, ça. Le mec de Glasgow, non? Ouais, Glasgow. Et il a changé. Ospreys, non? Ospreys ou Scarlett, je sais plus. Donc c'est un bon joueur, lui. Ouais, mais ça fait un peu, je sais pas, ils ont pas après, de charnière. Mais ouais, ils ont, bon, leur joueur, c'est quasiment que des joueurs à 7. Ouais. Ils ont quasiment que des joueurs à 7 qui, tous les 4 ans, viennent jouer à 15. Donc, Je sais même pas si vont terminer pour la Roumanie, quand même, le Canada. La Roumanie peuvent les prendre. Quand même. Tu passes quand même de, ils peuvent accrocher l'Italie. Finalement, ils vont peut-être finir derrière. Non, les Roumains, ils ont fait une équipe, ils ont ramassé 4 mecs au feu rouge, t'sais, c'est fini, t'sais. Quand même, on va pas comparer, t'sais. Ah, les Roumains, ils ont bien tenu tête aux Tongiens, hein, quand même. En match de prépa. Ah, je regarde un peu le squad. Non, mais Canada, ça peut être assez désastreux. Ouais. Le squad roumain, ouais, ça fait. Là, derrière, ils ont Vlaicu et Fercu. Bon, ils ont que des mecs qui finissent en août. Hein. C'est bien connu, quoi. Ou en A, quoi. Tonika, Punjea. Non, ça m'a permis de voir la troisième ligne que Tonita jouait encore. Ouais. Carcassonne. Toujours là. Ouais. Du coup, pour l'Irlande, j'ai pas trop entendu ce que vous avez dit. J'étais perturbé par. L'Irlande. C'était pas très glorieux, je crois. Enfin, glorieux. C'était non, mais disons que eux, ils ont un fond de jeu sur lequel qui est prouvé depuis 4 ans et sur lequel ils peuvent se baser pour rebondir. Moi, j'ai aucun doute pour eux. Ouais, s'ils restent quand même sur deux tournois victorieux, quoi. Mine de rien. Oh non, ouais, moi, je pense aussi. Après, pour aller plus loin, après les quarts, c'est là que ça va coincer, je pense. Bah déjà, tout va dépendre. Bah, s'ils finissent premiers, ils sont déjà l'Argentine, quoi. C'est jouable. Même l'Argentine, je pense qu'ils sont pas là. Oui, mais c'est jouable. Alors que les Blacks, ils sont jamais battus dans leur histoire, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. Ouais. Bon, mais ils avaient failli, là, il y a deux ans, non? Ils ont aucune chance, ouais, ils ont un complexe contre les Blacks. Et donc, du coup, ça va être peut-être le bon moment pour parler de la France, là, non? Ça, c'est mal. Premier, deuxième, troisième, voire peut-être. Quatrième. Non, les deux premiers, quand même. Oui, la qualification sera là. Mais le jeu, non, ça va. Si tu passes pas. Si tu passes pas, c'est. catastrophique, quoi. Là, quand même, depuis trois semaines, il y a un espèce de concours de circonstances qui veut que tout aille pour nous, quoi. Les Irlandais qui sont un peu moins bien, Paris C qui est blessé pour l'Italie quand on les joue. Paris qui est blessé pour le Canada. En plus, quoi. Je vais le caler tout le temps, vous savez. Tu vois, mais avant le quart de finale, quoi, les Blacks ou les Argentins, épidémie de gastro, tu sais, à cause du pudding ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais, donc du coup, vous en pensez quoi de cette équipe? Attention aux insultes. Hein. On fait comment? On fait ligne par ligne ou général? Généralement. Général? Partez dans tous les sens. Général, c'est moyen pourri. Ou pourri moyen. Mais efficace. Oui. À peu près efficace. Sans plus, hein. Bah, ça serait efficace, on irait au bout quelques fois, quoi. Mais je pense que l'équipe du mois d'août, en fait, c'est limite une nouvelle équipe par rapport à tout ce qu'on a vu il y a 4 ans, les 4 ans avant, quoi. C'est ça qui est horrible, ah, quoi, surtout. Ah, mais totalement, ouais. C'est ça qui est horrible, quoi. On a le retour des Michelac de nulle part, même Para qui revient de nulle part, on a... Comme disait, comme a sorti OM sur un topic, Remember 2012, quoi, pour Michelac, hein, c'était exactement ça, quoi. Ouais, on l'appelait titulaire en 2012, le mec s'est écroulé, et là, maintenant, il est de nouveau titulaire. Le mec, ça fait 2 ans que le mec a pas joué un match coup près avec Toulon. Ah, mais ils ont compris qu'on gagnait des titres, hein. Ah, ben voilà, c'est ça, hein. C'est pas con. Le problème, c'est que notre alternative à nous, c'est Thalès, quoi. C'est pas Guito. Et quand tu penses que Trinduc est rentré à Montpellier, ça... Il y avait un beau duel ce week-end, Trinduc-Plisson. Et ouais. Si je porte pas Plisson. Et ouais, un sur un Plisson, piédestal, mais bon. L'imbroglio-Plisson, qui était soi-disant le 36+1. Et d'après la convention de FFR, il avait pas le droit d'appeler plus de 36 joueurs. Donc Plisson, c'est pas commun. C'est amateurisme. C'est désastreux, quoi. Bon, il y a aussi l'imbroglio Lopez qui était premier ouvreur numéro 1 au début du tournoi, qui finit ouvreur numéro 5 4 mois après, quoi. Ah bah au moins lui il est content, il s'amuse à Clermont là. Et pendant ce temps, t'as Thalès, tel un OVNI, qui est toujours là. Et il est constant, quoi, il est numéro 2-3 dans... il bouge pas. T'sais. Toujours sur le banc, mais... Qui de temps en temps... Ah, ça va être un mec sympa, quoi, je pense, c'est la toujours, seule explication. Toujours rentré à la même minute. Bah ouais, le mec sympa, c'est ça, c'est l'argument de PSA. Il fait pas de vagues dans le groupe. Il est dans son coin. Oui, on va quand même trouver des choses positives, ce pauvre petit. Il est quand même pas là, par total hasard, quoi. Non. Il a claqué 2 drops pour finale du top 14. Il a mené la 3-4. Mais à part ça, je vois pas trop ce qu'il a fait. Moi, ce qui me fatigue le plus, hein, en ce moment, c'est d'entendre qu'on a un groupe qui est bien. On a des mecs qui vivent bien ensemble. Tous les mecs sont cul et chemise, sont... Ah, va pas me faire croire que dans un groupe de 36, il y a pas un enculé ou deux quand même. J'espère que les mecs sont quand même prêts à se crever les uns les autres pour une place de titulaire. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la concurrence dans une sélection. Un minimum. Mais là, si tout le monde est content de sa situation, bah, typiquement, c'est Vamina, quoi. Votre, non, non, non. Ah non, moi, si j'y vais pas, je suis content. Bah, tu m'étonnes, garçon. Le mec énorme, quoi. Aucune ambition, quoi. T'sais. Ah non, mais... Ouais, si je vais pas la Coupe du Monde, bah, c'est pas grave, je jouerai avec mon club. Ah, bah, putain, ok, quoi. Le mec, il préfère jouer contre Pau. Ça, la préparation. Non, le pire, c'est que pendant le tournoi, les mauvais résultats, tu peux dire, ouais, ils sont là ensemble une semaine avant. Tu peux dire, ouais, ok, il y a l'excuse à préparation. Mais là, ils ont eu un mois, quoi. Bah, un mois. On n'a même pas vu. On n'a pas vu un seul progrès dans les matchs de. Bah oui, de un prépa. Mois avant le premier match. Ah, ils ont fait un mois de CrossFit. Pas une combinaison. Bah, c'est pas le plus important, le physique ou le jeu? faut croire que c'est le physique, apparemment. Mais non, c'est bien. Évidemment, tu sais. Ah non, mais c'est bien, les mecs, ils ont tous des abdos fabuleux, ils peuvent aller au Cap Ferret pour se montrer sur la plage, tu sais, mais bon, après, si c'est pour gagner des matchs, on va s'éclater, quoi. Et encore, moi, ce que je trouve de, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les deux derniers matchs amicaux, on a un peu fini sur les rotules, quand même, quoi. Oui, c'est quand notamment. J'ai pas vu le match contre l'Écosse, mais c'était... Ah bah c'est la fin du match contre l'Angleterre, mais avec les Écossais en face, ce qui te fait encore plus peur. Inquiétant. Ouais. Non, ouais, pas très optimiste, du coup. C'est quoi, on fait un petit tour ligne par ligne? Allez, bah, lançons-nous. À toi l'honneur. Bah, allez, je me lance. On va commencer par la première ligne. Donc on fait quoi? On dit... Ouais, rapidement. Antonio, oui, très bien, tu rentres, tu fais 3 bim bim boum boum, très bien. À gauche, on a Eddy Benarouche, qui a énormément progressé ces derniers temps, surtout en mêlée. Sa tenue en mêlée est... Non, ça ne me choque pas, ben. Non, moi, c'est pas la première ligne qui me choque le plus. Mais non, alors, ça va, ouais. La première on a quand même Zardeski au talon qui va encore jouer comme un con remplaçant. Zardeski, je l'ai trouvé vraiment très mauvais, quand même. Contre l'Angleterre, le premier match. L'Écosse aussi fait une rentrée, il lance deux pizzas en touche, là. Ah bah, il a vu les performances de Camille Chéo Racing, il se pose des questions maintenant. Ouais, il s'inquiète. Moi, il m'a inquiété. Mais bon, ce sera Guirado, normalement, le titulaire. Oui, oui. Et Kaiser, qui a pris un sacré club, on va dire. Kaiser, il m'inquiète un peu aussi. Ah, mais il y a un an et demi, il était titulaire. Dans sa côte, là. Mais le problème, c'est qu'il y a un an et demi, on avait une équipe totalement différente, quoi. C'est un peu. Ouais. Vous savez combien de joueurs a appelé Saint-André en 4 ans? 82. 89. Ah, j'ai lu 82, moi. J'ai vu 89, là. Tu vas pas me faire chier à des mecs qui ont pas été tous sélectionnés, quoi. T'as des noms un peu improbables. Le Bourris. Yvan Wautremezin. Daniel Coetzee. Ah oui, Coetzee aussi, en pilier. Ouais, disparu de même à Clermont, il joue plus, quoi. Il y a Brice Mac aussi. Ouais, il a surfé sur Cast, quoi. Christophe Sanson. Il a eu sa petite période. Cast. Ouais, Virgil Bruni aussi a été pris, mais il a pas joué. Enfin, bref. On peut en faire des dizaines comme ça. Hein. Virgil Bruni, quoi. Putain, il est où ce mec maintenant? Toulon, sur le banc. Ouais. Pour le loft. Non, mais oui, après, derrière, enfin, deuxième ligne, je sais pas s'il compte mettre. Papé et Maestri. Ça, c'est la seule qui a pas bougé en 4 ans. Ouais, et encore que ça aurait pu. Parce que... Ouais. Moi, je mettrais bien, enfin, je mettrais, peut-être pas mettre une pièce sur Flancard, mais je pense que, faudra se méfier de lui, hein. Flancard, le problème, c'est que je trouve que c'est toujours une brindille, quoi, pour le pauvre garçon. Il a pris. Il a progressé. Il a quand même pris, ouais. Mais après, ça reste moins que Papé et Maestri, donc du coup, il sera sur le banc. Il a quand même foutu Papé sur le banc pour les phases finales du top 14, hein. Ouais, mais au Stade français, ça joue, quoi. Ouais, après je sais pas si c'est lui qui l'a foutu Papé sur le banc ou si c'est Papé qui s'est mis tout seul, quoi, parce que le après, ouais, aussi. Ouais. Bah, un peu la suspension, hein, ça a pas aidé. Ouais, mais là c'est pareil, qu'on peut pas faire beaucoup mieux, quoi. De tête, j'ai pas l'impression. Bah, il a pris que 3 mecs, quoi, en deuxième ligne, donc ouais. Après il y a Bernard Leroux qui peut dépanner. C'est quand même incroyable qu'après 4 ans en poste en sélection, on soit encore à avoir des mecs qui sont là pour dépanner, quoi. Ouais. En espérant qu'il n'est pas mieux que Julien Lel, quoi, par exemple. Ah, mais surtout que Bernard Leroux, c'est pas un vrai polyvalent. Non, bah, ouais, même au Racing, peut-être il a fait des fins de match. Si, mais... ouais, quand il est arrivé, il a fait 2-3 matchs en deuxième ligne. Ouais, voilà, mais c'est pas un mec qui régulièrement dépanne. Ah non, lui, il est flanqueur exclusivement. Ouais, c'est ça. Enfin, bref. C'est. Troisième ligne. Troisième ligne. Oui, bah. On a le capitaine du sautoir, hein, un des boulonnables. Oui, Picamol, bah là, après... Il m'inquiète un peu aussi du sautoir. Mon Picamol. C'est pas le du sautoir de 2011. Quoi. Oh. Puis bah, la troisième place, elle 2007. Semble être promise à Chouli. Hein. Ouais, mais autant là, tu vois, ça me choque pas. Moi. Chouli en flanqueur, ouais. Chouli du sautoir, Picamol. Oui, je pense que c'est le mieux qu'on puisse surtout si on est parti pour faire ce jeu magnifique et chatoyant direct à base de petits tas et de grosses pénétrations. Bah, quand même. J'aime bien Nyanga en sortie de banc. Ouais, mais encore une fois, tu vois, le Rouge doit avoir les boules. Ça fait 3 ans qu'il est titulaire et là, du jour au lendemain, il se retrouve sur le banc, voire même sur tribune. Ah, le Rouge, jamais été un grand fan. En défense, si. Ah, je peux t'assurer, mais bon, après, c'est dans le top 14, quoi, mais. Moi j'ai vu principalement l'équipe de France, jamais trouvé exceptionnel. Mais c'est un peu comme du sautoir, quoi, ils sont, je trouve pas le mot. Après, c'est pas polyvalent, tu vois, mais ils excellent que beaucoup, surtout en défense, quoi. Après, offensivement, ils apportent pas grand chose, c'est pas des sauteurs en touche, ils ont pas beaucoup de cordes à leur arc, quoi. Alors en plus, quand on aligne les deux en même temps. J'ai regardé l'autre jour, je crois, en 5 ans au Racing, il a dû marquer un essai. C'est pas GG, quoi. Mais en défense, ouais, il est là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, dans le schéma de jeu de l'équipe de France, il a sa place. Ah bah de toute façon oui, l'équipe de France, tu récupères le plus de pénalités, tu mets les points au pied. Il y a pas à se poser de questions. Donc oui, pour aller gratter des pénalités dans les rocks et tout, il a son rôle à jouer. Là, le problème, c'est que bon, passons à la charnière, les pénalités, qui va les taper? Il est Al, super Fred. La charnière toulonnaise qui joue dans Michelac, qui d'après PSA se connaît très bien. Alors je et apparemment j'ai pas les trucs 3 ou 4 matchs ensemble, non, ça. Oui, et puis aucun match coupé, quoi. Ouais. Petit Osborne, quoi. Oui. Oh, oh. Non. De bien beau biceps, ça. Quand à Toulon, ouais, il est bon, et encore, quoi. Parce que devant, il n'aime pas qu'il bon que crasse tout, quoi. Oui, voilà. Ouais. Que je et pourrais jouer derrière aussi. Il a Guito avec lui aussi. Ça aide un peu, ouais. Oui. Non, ça va, il est pas dégueu à Toulon, mais. Non, de là à dire qu'il est dégueulasse, non, mais bon. De là. Je préfère Cocotte. Ah, moi, je suis plus para. Moi, bon, je suis plus macho. Oui, ouais, voilà. Ouais. Je relance d'un baisy. Laissons-lui le temps. Il dit mieux, Jean-Marc Doucet. Non, c'est vrai que Machno. Surtout pour faire ce que fait Tewsboard, ça va. Ah bah oui, tu peux fendre, taper des coups de pied dans la boîte, et en plus, Tewsboard, il te fait même pas super bien, quoi. Ah, mais Machno, en plus, c'était il a joué au pied en plus, quoi. Il bute. Et en plus, il commence à buter, ouais, assez régulièrement. Il commence, régulièrement, mais bon. Depuis toujours, il a buté, lui. Donc, ouais, ça fait pas. Surtout Tewsboard, ouais, y a pas de coup d'éclat. Enfin, au moins, il est parfait pour Saint-André, quoi, parce qu'il sort jamais du système, quoi. Il obéit au pied. Je crois que c'est ça. Au pied et à la lettre, quoi. Et puis c'est les joueurs lisses, en fait. Il a le profil d'un 9e avant, quoi, mec hyper physique. Donc, encore une fois, ça colle parfaitement au système de jeu de Saint-André. Contrairement à Machno. Après, le problème, c'est que les 9e avant, on en a même un 10e et un 11e au centre. C'est pas pour autant que ça avance plus, hein. Non. Parce que Saint-André, hein. Parce que moi, Bastaro, je veux bien, mais je comprends pas qu'un mec avec ce physique-là soit aussi peu décisif en phase offensive, quoi. C'est le mec qui a installé depuis la charnière, enfin la paire de centre, elle est installée depuis 4 ans. Bon, à part Fofana sur ses débuts, je crois qu'il marque 5 essais dans son premier tournoi. Depuis, c'est. Je vais pas dire catastrophique, mais bon. Après, ceci dit. Il est surveillé, quoi, depuis. Bon, après, ouais, c'est ça. Fofana, le jour où il ferait une passe. C'est combien la stat? C'était pas 3 passes pendant le dernier tournoi? Quelque chose comme ça? Je sais pas. C'est... Oui, ça doit être quelque chose dans le style. Non, mais c'est un plaisir de jouer ailier dans cette équipe. Hein. Bah après, au centre, t'as quand même des mecs comme Dumoulin. Ouais, je vais encore faire parler le cœur si élément, quoi. Que je trouve vraiment pas mauvais. Et puis Ficou. Là, par contre, Ficou, je comprends pas. Tu comprends pas qu'il soit pris ou qu'il joue pas? Qu'il soit pris. Ah, moi Ficou, j'aime bien Ficou. Le mec qui a marqué un essai contre l'Angleterre, tout le monde s'est enflammé. Moi, je pense que Ficou, ça fait un énorme flop. Ouais, il relève le niveau technique un peu. Et voilà, ouais, il sait jouer quand même. Ouais. Quand il joue. Voilà, il peut amener de la folie. Non, je sais pas. Moi, je suis pas du tout fan. Bah, après, il peut jouer à l'aile. Il est là pour ça. Ouais, comme Fofana, quoi. Oui. Comme tu l'as, Donc l'Angleterre était rentré à l'aile, Ficou, c'était pas terrible. Ouais, bah, pas touché, il est pris sur le deuxième essai aussi. Ouais. Oui, en plus. Ouais. Là, il est fautif. Enfin bon. Tout ça pour dire qu'on est très optimiste, quoi. Attends, il reste les ailiers arrière avec Guitou, Nugé, Nakaitasi, Dulin et... Bah, Ozel, on sait déjà que j'ai fait Scott clair. Scott Spilling. Nugé, notre sauveur. Ouais. Ah, je pense que c'est le joueur que j'aime le moins dans cette équipe. Ça fait 4 ans que je l'ai dit. Ouais. Je sais que je peux paraître fou, mais non, je l'aime pas. C'est au-delà du rugby, j'aime pas. C'est. Ah, c'est. Sa gueule, elle me revient pas. Ouais, sa gueule, elle me. Et je pense que t'es jaloux de sa femme. J'ai le même problème avec. Tom. Avec qui? Tom Brady. Ah. Pas de digression. Non, mais ouais, mais je suis pas. Bah après, quand même... Je trouve pas décisif. C'est un ailier, quoi, il est... Oh putain, mais si lui il l'est pas, alors les autres, c'est quoi? Ah non, mais je suis totalement d'accord. Mais le mec, il est titulaire depuis 4 ans. Je me faisais la réflexion, il y a pas longtemps. C'est quand même le seul à être titulaire depuis 4 ans, quoi. C'est oui, surtout ça, être passé à travers les gouttes, c'est un miracle, quoi. Bah, si, Maestri Papé aussi. Oui, Ouais, enfin, y a du sautoir aussi si tu vas par là. Mais... Non, Oui. mais Oui, je me faisais la évidemment. réflexion il n'y a pas longtemps. Val, Guitoun, UG, Dulin, on les a pas vus en Pro D2 ensemble il y a genre. 2010, je crois, c'est un truc du genre. Les mecs, 5 ans après, ils sont au mondial, quoi, quand même. Itoun, je Bah, comprends pas du tout. la Pro Ah D2, non. c'est l'école de la vie. Thalès y est passé aussi. Les plus grands y sont passés. Ah, mais lui, il aurait pu rester, quoi. Oh putain. Non, bah après, des joueurs comme Machno, Dulin, ils avaient le niveau, tu vois, ça se voyait, quoi. Même UG. Guitoun, moi, j'étais un peu plus actif. Moi, Guitoun, c'est l'énigme, quand même. Ouais. Il était catastrophique aussi contre l'Angleterre. Ça doit être comme Thalès, ça doit être le mec qui fait pas de vagues dans le groupe, qui est cool, qui est sympa, donc on le prend. Ouais, mais la bonne ambiance, il doit coiffer les autres et tout. Ouais, c'est ça, vu sa coupe de cheveux, je me disais, c'est peut-être le coiffeur. Il Entre doit lui et si Mustaro, il y a de quoi faire. UG ou Nakaitachi se pète, par Ah contre, je ben. mets Guitoun à la langue, je préfère quand même Dulin. Guitoun et Dulin. Moi, je pense que ça sera Guitoun quand même. Ah, quoique. Oh, Oui. Ah, mais non, mais de toute façon, Dulin, il s'est. PSA, il a tué Dulin, quoi. ouais, En bah. foutant à l'aide contre l'Angleterre. Encore une fois, c'est le même problème que Leroux ou Kaiser. Dulin, il est titulaire pendant 4 ans à l'arrière. Tout le monde lui jetait des fleurs. Du jour au lendemain, il le fout à l'aile. Il se trouve. Il est au placard. Même pas Scott tout droit speeding ou quoi? Ah bah ça va bien à son style de jeu, hein, voilà. Oui. Faire ça vaut mieux speeding que Dulin, quoi. Ouais. Mais bon, est-ce que ça va nous permettre d'être champion du monde tout Et ça? quand même, enfin, j'ai quand même l'impression qu'on est la dernière équipe à jouer comme ça, quoi. Ouais, Mais même les Sud-Africains ils essayent des fois enfin, les box qui de faire étaient des attaques. les box qui étaient quand même le maître étalon du bourrinisme en rugby, cet été, ils ont proposé autre chose, quoi. Bah on Ah, fait. depuis 2007, ils proposent quelque chose d'Africain. Non, mais puis même, je me faisais la réflexion contre les Écossais. J'ai l'impression qu'on est la seule équipe des 10 majeurs là, qui, en 4 ans, n'a pas progressé. Oh, l'Italie aussi. L'Italie, ils ont un Tu les mets nouveau dans les 10 USA. majeurs, l'Italie? Bah, il a pas dit les 10 équipes Ouais, les majeures, hein. 10, ouais, les... Oui, bah... 6 du Oui, tournoi, 4 ouais. des 6 du tournoi. Enfin, je sais pas, moi, même l'Italie, je trouve qu'il y a... Tu as 2-3, comment dire... T'as 2-3 combinaisons pas, qui sont tentées en match, que ça passe pas par un manque de talent. Même sur les défenses, certaines... Brunel, il a amené quelque chose sur les défenses, notamment au niveau des mauls où il essaye tu sais, de pas se placer devant pour aller ensuite essayer de faire d'écrouler. Je trouve enfin, les mecs réfléchissent un peu sur le jeu plus que nous, alors que nous, muscu, muscu, muscu, et c'est parti, quoi. J'ai même envie de dire qu'on a régressé, hein. Plutôt que de pas avoir progressé, on a surtout régressé. Ah oui. Ah bah, c'était catastrophique, les 4-35 ans. Et qu'est-ce que ça a donné avec nos fesses? Moi, je suis... Tu Pardon, vois. ça c'est après, mais on Bah, pourra en reparler, mais oui, moi je suis pas optimiste non plus. Mais pour revenir à ce que disait Potaval tout à l'heure, sur on est la dernière équipe à jouer comme ça, bah en même temps, quand t'as 2 mois pour préparer ton équipe, tu cherches pas à faire grand-chose de compliqué, hein, donc Bah forcément on ouais, n'a mais rien branlé pendant quand... 4 ans, donc cet été qu'est-ce qu'on fait? On fait les bases, hein. On va pas chercher plus loin et on verra jusqu'où ça nous mène et on croise les doigts. Ah mais quand c'est le tournoi et que t'as une semaine pour te préparer, ça entendrait les gueules. Là, qui viennent pas gueuler, qui viennent pas râler en disant ouais, on n'a pas eu Et assez de temps pour se préparer. encore pour le tournoi, il a gueulé alors qu'il a eu des mises à disposition Oui. exceptionnelles que personne n'avait eu avant, en fait. Ouais. Voilà. Et donc avec tout ça, je sais pas si on en a parlé ou pas, mais du coup, est-ce qu'on va battre l'Irlande et finir premier ou pas? Moi, je Et suis très pessimiste pour battre l'Irlande. Ah, pas moi, c'est tout le contraire, tu vois. L'Irlande, ils ont toujours eu du mal Moi, avec je nous. pense qu'on peut les battre. On est tellement physique, ils ont vraiment du mal avec ça. On est trop physique pour eux, je pense. Non, c'est vrai, ils aiment pas quand on leur envoie Picamol, Bastaro, Patati, Patata. Ouais, c'est On vrai. est. Bah, On a. On ça fait 4 ans qu'on les a pas battus, quand même. Bah, Là, on justement, a fait deux fois match nul. Hein. c'est le moment ou jamais. Deux fois match nul. Ils ont toujours battu en Coupe du Monde, je crois. Bah, 2007, on leur avait mis une branlée, non, mais... enfin, un Ouais, truc. avec Michalak, si je me souviens bien. Et oui. Et Vincent Et Vincent Clerc. Clerc. 2003 aussi déjà, quart de finale. Ouais, c'est pour ça, moi, franchement, Ouais, mais bon, je sens, bah, je vais pas dire 2007 et bien. 2003, on avait un vrai entraîneur, on avait un vrai sélectionneur. Pas faire de faute, peut-être. Ou tout du moins un vrai meneur d'hommes. Le mec qui, quand il fallait Ou un bon bouger. pharmacien, tu Ouais, Non, le pharmacien, c'est mon rôle. on avait pas de pharmacien des Anglais, apparemment. Ouais, moi non, franchement, je le sens bien ce match contre l'Irlande. Bah après, il tombe quand le match? C'est le dernier C'est match de la quand? poule, 11 Ah ouais. octobre. Cardiff. Exactement. Un dernier match, ça. Normalement, la finale du groupe, sur le papier, si on fait pas de conneries avant. Ou si les Irlandais n'en font pas. Après, rappelez-vous quand même, il y a 4 ans, on se fout dans la merde tout seul contre les Tonga. Suffit qu'on fasse un truc comme ça contre le Canada ou qu'on fasse un sale match, voire être accroché. On a quand même des gonzes qui sont capables d'avoir la tête qui plonge. Oh, je pense pas qu'on se loupera contre le Canada ou la Roumanie. Même l'Italie, je pense que on devrait les battre sans Paris. Je pensais pareil il y a 4 ans, donc je vais pas trop m'exprimer. Mais oui, c'est vrai que c'est dur à imaginer, mais après tout. Non, France-Irlande, France-Irlande. Oui, c'est ça qui va déterminer, hein, pour la finale. Petit classement de poule alors, du coup. Ben, vas-y. Bon, juste les deux premiers. Oui, bah, les qualifiés Irlande et France, mais après, on va voir l'ordre. Italie, Roumanie, Canada. Derrière, ouais, oui. Ouais, moi, je dis France premier. Malgré tout. Sur le gong. Du coup, est-ce qu'on essaie de se faire maintenant qu'on a fini le petit tour des poules? Des pronos pour la suite? Allez, vamos! Donc, je sais pas trop comment on va organiser ça, donc, en gros, le premier de la poule, j'ai chacun le tableau sous les tableau. Yeux. Chacun donne son tableau. Potaval, vas-y. Inaugure. Alors, moi, je dirais Angleterre, Samoa, du coup. Australie, Afrique du Sud. Nouvelle-Zélande, France. Et Irlande, Argentine. Pour victoire ensuite des Anglais, des Australiens, des Néo-Zélandais et des Argentins. Oula, oh putain, je suis perdu. Du coup, en demi, tu aurais Angleterre-Irlande. Angleterre-Irlande et Nouvelle-Zélande-Argentine. Non, c'est pas possible. Et pourquoi? Attends. Mais non, c'est pas possible. T'as pas l'Australie qui gagne? Australie-Afrique du Sud? Ah oui, non, pardon, oui. C'est l'Australie qui gagne l'Afrique du Sud, oui. Australie-Nouvelle-Zélande, alors. Ouais. Et Irlande-Angleterre. Et du coup, en finale, ça donnerait quoi? Allez, la finale rêvée Angleterre-Nouvelle-Zélande, mais ça fait tellement tout écrit que... Ouais, Angleterre-Nouvelle-Zélande. Ok, et un vainqueur, du coup? Autant aller jusqu'au bout? Ça fait mal au cul, mais les Anglais, quoi. Ah, quand même, un peu de risque. J'aime ça. Allez, au suivant. Au pas? Ouais, donc il faut que je reprenne le truc. Ouais, donc groupe A, on va dire, premier quart de finale, on va dire Angleterre-Écosse. Okay. Ensuite, on va dire Australie-Afrique du Sud. Et de l'autre côté, on va mettre France-Nouvelle-Zélande et Argentine-Irlande. Donc comme pote à balle, je crois, si j'ai bien mémorisé. Et il n'avait pas mis l'Écosse, non? Il avait mis les Samoa, je crois. Samoa, pour moi, oui. Ah d'accord, j'avais mal écouté. Autant pour moi. Tu ne m'écoutes plus, c'est pas mal du coup. Qui gagne Angleterre-Écosse, c'est l'Angleterre. Et ils affrontent le vainqueur des Irlande-Argentine. Et bien là, je vais mettre l'Argentine. Okay. Et de l'autre côté, on va dire l'Australie. Et j'ai envie de faire le fou et de mettre la France. Et quand même la Nouvelle-Zélande. Et donc, en finale... Ouais, beau un petit France-Australie, parce que c'est assez rare quand même, j'ai l'impression, Coupe du Monde. Finale 99, ouais, si j'ai pas de bêtises. Oui. C'est le seul match. Mais ouais, depuis, j'ai pas souvenir. Ah non, il y a eu... Il n'y avait 2000, pas 87 aussi 87, 87, oui. Finale 80. Ouais, non, finale pas 87. Demi. Avec battu l'Australie. C'est la Nouvelle-Zélande, non, qui gagne. Oui, exact. Et donc, la finale... Je sais même plus, j'ai dit quoi mes demi-finales? Angleterre, Argentine. Ouais. Et Nouvelle-Zélande. Allez. Australie. Angleterre, Nouvelle-Zélande. En finale. Ouais. Avec, les Blacks qui gagnent. Avec Craig Joubert comme arbitre. Le fameux. Et ouais. Ah bah, il a des chances, hein. Non, c'est pas Owens. Ouais, je pense. Bah, si Pays de Galles, oui. S'il n'y a pas le Pays de Galles, oui, je pense que Owens sera là. Et pourquoi qui sait, Romain Poit. Romain Poit. Ali, à toi. Alors, premier en demi-finale, Afrique du Sud, Australie. Ah, voilà quelqu'un qui a le même tableau que moi. deuxième demi-finale, Nouvelle-Zélande, Irlande. L'Afrique du Sud gagne. Et la Nouvelle-Zélande. Donc Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Première demi-finale. Autre partie de tableau, France, Argentine et Angleterre, Écosse, avec la France et l'Angleterre. Passe. On prend de finale Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Je vais dire Afrique du Sud. Je me mouille. Monsieur. Grosse paire de noix. Il a lu dans mes pensées. Angleterre, quand même. Je ne suis pas fou. Afrique du Sud, France. Afrique du Sud, Angleterre, donc en finale. Et l'Angleterre qui. J'étais parti à peu près comme toi, donc Afrique du Sud, Australie en premier quart de finale et Nouvelle-Zélande, Irlande. Du coup, pour une demi-Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. En bas de tableau, du coup, France-Argentine et Angleterre-Écosse, avec l'Argentine qui nous bat et l'Angleterre qui gagne. Finale, Angleterre-Nouvelle-Zélande et victoire des Blacks. Un peu moins original sur la fin. Bon, au final, on est tous très optimistes pour la France. Ouais, un petit quart de finale, c'est notre place. Un peu déçu de... ce serait notre moins bonne performance, non? Moi, je suis un peu déçu qu'on ait de grosses difficultés à croiser l'Afrique du Sud. Ça aurait été l'occasion pour Cocotte, Leroux et Spedding de recroiser la famille. J'aurais bien aimé les voir pendant les hymnes. Ouais. Il y a plein de mecs dans toutes les équipes qui vont rencontrer des cousins. J'aimerais bien savoir quand même quelle est la nation la plus représentée en termes de joueurs. Allez, les Fidji. Ils ont la moitié de l'équipe Nouvelle-Zélande déjà. Ouais. Ils ont quelques Australiens aussi. Ouais. Ouais, ils ont quand même. Ah, les pays du Pacifique, les pauvres. Ah, les Néo-Z, ils en ont quelques-uns exportés au Japon, au Canada et compagnie aussi, hein. Aussi, ouais. Enfin, bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme prono, c'est tout, non? Marqueur d'essai, c'est peut-être un peu aléatoire avec les matchs à 100 points. Voilà. J'avais quelques petites questions. Ben voilà, j'allais te donner la main. On t'écoute. Ah, très bien. Alors, quelle est l'équipe qui va coller la plus grosse branlée? Les Blacks. À la Namibie. Je dis la même chose. Non, moi je dis l'Australie à l'Uruguay. Je donne même un pronoscore, moi. 123 à 3. Ils avaient mis combien de points? Les mecs prennent les points, quoi. Ils cherchent même pas à marquer d'essai. Ils sauvent tout. Ils avaient mis combien au Portugal en 2007? Ils avaient mis. C'était 107 quelque chose, non? C'est pas... Les Portugais avaient marqué un essai quand même. Ça, je me rappelle. Après, je tiens à signaler quand même que les organisateurs ont été très gentils de programmer ce Nouvelle-Zélande-Namibie à 21h le 24 septembre, histoire qu'ils se fassent bien éclater en Mondovision, ça va être... en prime time. Ouais. Une surprise niveau joueur pour vous dans la compétition? 108 à 13, c'était Nouvelle-Zélande-Portugal. Ah oui, quand même. Ça fait lourd, oui. C'est conséquent. Ouais, donc j'avais un joueur surprise. Thalès. joueur sur Chelidze. Il est sérieux. joueur surprise. Bah, Milner Skeuder, est-ce que c'est considéré comme une surprise ou... C'est toi qui assumeras après tes propos, hein, devant les trois personnes qui auront écouté. C'est... Oui, ça. Et est-ce que c'est assez surprenant? Bah oui, c'est surprenant. Allez, bah. S'il finit meilleur joueur du tournoi, oui, c'est surprenant. Je reste mon petit Néhé. Moi, pour le joueur surprise, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Mais. J'avoue que je sais pas, là. Alors, une équipe surprise, peut-être? L'Argentine. Même si, comme on l'a dit tout à l'heure, ce serait pas une énorme surprise. En surprise aussi, tiens. Enfin, en joueur un peu révélation, Nadolo, peut-être. Bon, il est connu, quand même, mais. Pour ceux qui suivent le super rugby, mais il peut peut-être faire de bons trucs avec les Fidji. Pour les supporters de Bourouin aussi. Ouais, en effet. Laquelle des nations du Pacifique sera la plus convaincante? Fidji. Les Fidji. Moi, je vais dire ça. Ah ouais. dans la poule de la mort. Ah ouais. Bah, ils vont peut-être prendre aussi. Plus de défaites, mais ils seront plus convaincants. Après, ça dépend en convaincant au niveau des résultats ou au niveau du jeu proposé. Je n'ai pas cette réponse à la question. Parce que dans ce cas, si c'est pour les résultats, on est d'accord que les Fidji, ce que ce sera pas les Fidji. Oui, ça sera moins bon que les Samoa, en théorie. En théorie. Encore une question ou... Ouais, moi j'en ai une. Bah, pour la star de la Coupe du Monde, le joueur star. Bah moi je vais aller chercher chez les Blacks, je pense. Je les ai donné vainqueurs. J'ai un peu de mal. Retallick, il a été le joueur du monde. Donc, un peu compliqué. Moi je vais dire George Ford. Putain, espèce de. Ouais, bon, moi aussi. Moi, je vais dire Aaron Smith. Non, moi, je vais dire Israel Folau. C'est du bon choix aussi. C'est du tout bon, c'est du tout bon. Ouais. Avec une petite pièce sur Thalès qui me drop de la victoire en finale. En prolongation, oui. Wilkinson, du gauche, plus gauche. Mettre. Ouais. Soyons réalistes, le drop de la victoire contre la Roumanie, ce sera déjà pas mal. Pour sauver le bonus. le drop de la victoire du pied droit à 10 mètres en face des poteaux. D'autres questions, non? Moi, j'avoue que j'ai pas réfléchi, j'en ai pas... La grosse déception. Grosse déception. Grosse déception équipe ou joueur? On va faire les deux. Moi, équipe, je te dirais l'Australie. Moi, équipe, je dirais l'Irlande. Tu les as pas mis en 2000, l'Australie, toi? Si, mais c'est pas grave. Je sais pas, vrai, je mets une Est-ce que j'ai plusieurs braquettes en Paris à la ben, non, moi, je vais dire l'Afrique du Sud. Moi, je veux dire la France. Je pense qu'on va sortir. Est-ce que ce serait une déception? Oui, sinon... Ouais, non, mais je pense que ce pas la France. Au niveau du jeu, tu vois, enfin, du jeu. Vraiment, on va sortir sans gloire, sans espoir. Quand même une grosse déception depuis 4 ans, quoi. Ouais, voilà, on s'y attend. Ouais, oui. Ce serait pas une déception. Il y aurait un petit élan d'espoir après la première place, et bim, ça va retomber direct en quart contre les Argentins. Bon, on collera 60 points à la Roumanie, tout le monde va s'enflammer. Sinon, l'Afrique du Sud, j'avoue que je sais pas. J'ai l'impression qu'ils peuvent être champions du monde comme se faire battre en quart. S'ils ont pas trop de blessés, ça ira. Et du coup, en joueur décevant. Ça va me faire mal, mais Thierry du sautoir. Ouais. Je pense qu'il est vraiment sur la pente descendante de sa carrière. J'espère qu'il me fera mentir. Aussi. Je te suis avec du sautoir. Moi, je dis George Ford pour la peine. Il va perdre sa place et c'est Farrell qui. Quade Cooper. Excellent choix. Ah, quoi que non. Un petit Jonathan Sexton sur la continuité de ses deux dernières années en club. Et Jamie Roberts. Mike Felix. L'idiot. Mec, il règle les comptes. Tu me fais mal, là. Je souffre. Ben, je crois que là, on a visé quand même assez large niveau prono. Un pronostic, peut-être, je sais pas, sur le match de poule à pas manquer. Angleterre-Australie. Moi, je te dirais Australie-Fidji. Angleterre-Australie sera le 3 octobre. Australie-Fidji, c'est le 23 septembre. Après, si c'est pour voir une orgie d'essai, ouais, il y a la Nouvelle-Zélande-Namibie ou tous les matchs de l'Uruguay. Après, si vous voulez voir un gros match assez physique, il y a Afrique du Sud-Samoa le 26 septembre qui peut être assez violent. Oui, le 19 septembre, un magnifique Tonga-Géorgie pour ouvrir la compétition. Et le Canada-Roumanie, c'est quand? C'est le 6 octobre, ça va donc, on aura le temps. Ça va envoyer du lourd. On aura le temps de s'endormir ici. Donc ouais, les matchs, ils seront sur TF1 pour... J'allais dire pour la plupart, mais non, parce que la plupart sont sur Canal, je crois. Mais TF1... Oui, ils sont tous sur Canal. Hein. Mais TF1 a des directs privilégiés, je crois. Donc, ouais. Mais TF1 passe tous les gros matchs de poule et toutes les phases finales. Donc, Ou sinon, vous faites comme moi, vous regardez en streaming. Voilà, après, c'est pas très... légal. Non, ça, c'est moins les mesures légales disponibles. Mais ouais, voilà, donc pour les gros matchs, les matchs de la France, tout sera sur TF1, il n'y a pas de souci à voir. Du coup, je sais pas, un dernier mot, cette Coupe du Monde, vous la sentez bien, pas bien, fermée, ouverte, je sais pas. De quel point de vue? D'un point de vue général? Ouais, général, est-ce qu'il y aura du jeu, est-ce qu'il y aura des, je sais pas, de la surprise, du suspense, vous attendez quoi, en gros? Du jeu, je pense qu'il y en aura, des surprises, moins. Il y en aura forcément, je pense. À tous les 4 ans, il y a des surprises. On a beau faire tous les pronostics qu'on veut, il y a forcément quelque chose qui va se passer de travers. Ah, bah, tu vois, moi, bizarrement, j'ai pas l'impression qu'on parte sur des surprises. Moi, je vais dire fermé, en tout cas, je vais dire. Je pense qu'on verra pas. Ah bon? Ouais, je sais pas, quand il va se mettre à pleuvoir, là, en octobre, en Angleterre, ça va être joli à voir, je crois. Je t'avoue que ça... C'est pas des stades couverts? Peut-être le Millennium, mais après, c'est tout à Twickenham. Après, c'est Twickenham, ouais. Est-ce que le Millennium a des cars, je crois, mais après, c'est tout à Twickenham. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis beaucoup moins enthousiaste que sur celle il y a 4 ans, quoi. Mais moi, je me rappelle plus trop ce que j'espérais il y a 4 ans, donc je peux pas comparer. Ah si, moi, il y a quelque chose que j'attends de voir, c'est de voir ce que donnera le rugby dans les stades de foot anglais. Style Newcastle, ou City aussi, le stade de City, ouais. Ou Wembley. Ah, Wembley, surtout. Ouais, ça va faire bizarre, ouais, de voir. Ah, Wembley. Et puis le stade olympique, quoi, ça va être sympa. Même si les tribunes sont assez éloignées, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. On pourra voir ça à France-Roumanie, d'ailleurs. 23 septembre, ça sera au stade olympique. Ça sera l'occasion de voir le nouveau système pour appeler les joueurs sur la touche côté roumain. Apparemment, ils sont venus avec des feux rouges. Le mec, il l'a rattaché à Black. Quoi. Ça fait 4 jours qu'il l'a préparé. Quoi. Oh, putain. Oh, si on peut pas moquer les voleurs de poules. Dominique, tu sais. Ah là là, c'était Euro 2008, quoi. C'était beau. Là, au moins, cette année, normalement, France-Roumanie, il n'y aura pas 0-0. Vous pouvez le regarder. Hein. Pour ceux qui ont des mauvais souvenirs footballistiques, non, cette année ça devrait aller. Ça devrait pas être une purge. Nickel. Bon, bah, je pense qu'on va, on va passer au coup de cœur, non? Coup de cœur, coup de gueule. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir depuis le début du podcast? Je garde le même. Parce que je m'y attendais pas. On va essayer de faire ça rapidement. Fallait écouter les podcasts précédents, voyons. Moi, les potes à balle. Du coup, il y en a un. Ça va te laisser le temps de son jeu. Godou, ce fut une performance magnifique. On t'a suivi sur ce marathon homérique. Bon, mon coup de cœur, c'est bien sûr toi, Doudou. On a actualisé F5 de 14h à 15h30 pour voir quand est-ce qu'il allait arriver. Quoi. J'avoue que j'étais au resto, j'avais la page ouverte sur mon portable quand même. T'es là, mais qu'est-ce qu'il fout, t'sais. Ouais. T'as tous suivi. Ouais, donc bravo, Doudou. Bravo, Doudou. Respect, marathon. Ouais, bon, je vais pas faire le faux cœur. J'avoue que j'ai pas du tout suivi, mais bon. Félicitations quand même. Maintenant, tu peux revenir au bar, l'esprit serein, quoi. Ouais, ça, tu vas pouvoir profiter. Sans arrière-pensée, quoi. Mais faut quand même se taper, quoi, marathon. Ouais. Même à un rythme. Déjà, courir 5 minutes, c'est dur. Avant le marathon, ouais. Ouais, ça doit être. Je peux imaginer. Grosse perf. Très, très grosse perf. Ali, peut-être? Oui, bah, c'était. Non, enfin. La victoire des Eagles cette nuit. Ah, oui, oui, oui. À Atlanta. Ah, ça serait bien. Bon, non, pas pour ça, pas pour le coup de cœur. Ouais, j'ai un petit coup de cœur aussi. Il s'appelle même Jaïté. Ah, j'allais dire, personne parle de l'équipe de France de basket. Et ouais, là, voilà. Ouais, ce sera un coup de cœur quand ils auront gagné. Non, mon coup de cœur, c'est pas l'équipe de France, c'est même Jaïté. Le Rémi Thalès, donc, de l'équipe de France de basket. Le mec qui est là sur le banc, qui est sympa. Au niveau talent, il a quelque chose, lui. Je rigole, évidemment. Donc l'équipe de France qui joue demain soir en quart de finale, donc mardi. Ouais. Et sur France 3. Ah, le quart de finale est déjà sur France 3. Ouais, ils vont déprogrammer Louis la brocante. Il y a du progrès, il y a du progrès, c'est bien. Ouais. À signaler quand même. Moi je veux dire la reprise de la NFL, la fantasy NFL, voilà, c'est du kiff quoi. Six mois après. Chaque année. Ça fait plaisir, bah ouais. Ça mérite un petit coup de cœur. Un coup de gueule, la reprise du top 14, ça compte ou pas? C'est quand même... Bah, il y a eu quelques matchs sympas, quand même. Après, c'est vrai que tu restes sur l'impression du Pau-Toulouse de dimanche dernier, c'est vrai que ça fait mal. Après, on a vu quelques matchs. Ah, c'est ouais, le Pau-Toulouse et puis le Brive-Agen de 12h30, oh là là. La deuxième mi-temps, oui, c'est vrai que c'était long. C'était long. Non, moi, mon coup de gueule, bah, ça va être Travers et la Bite, hein. On se fait toujours aussi chier avec eux. Et d'ailleurs, je viens de penser, mais Thalès, il est au Racing après, tu vas te régaler, quoi. Et ouais. Avec Carter. Ah, je viens de penser. Putain, le slash. Ah, le pied, quoi. Moi, j'ai une petite pensée pour Rémi Thalès, qui l'année dernière signe au Racing en se disant, c'est cool, je vais être titulaire dans une grosse équipe. Bam, 3 semaines après, les mecs, ils signent Carter, quoi. Ouais, enfin, titulaire, il a quand même joué à Gousset, hein. Bah après, je suis pas un grand fan de Gousset, mais il est quand même meilleur que Thalès. Allez, place-moi. Mais après, Carter a peut-être joué au centre. Ah, mais bon, au centre, on a Dussard, qui est là, on a Laolala, Chapancy, Dumoulin, on a du monde. Il y a du monde partout. Ah, bah, t'as ouais. Maintenant, les grosses équipes, ça plaît plus. C'est le top 14, hein, maintenant. Des équipes à rallonge, des pharmacies qui débordent, quoi. C'est... Et le Stade français dernier. Et ouais. Même Agen est devant, quoi. Putain. Ils sont vraiment mal. Pas pour longtemps. Ah, on joue à domicile le prochain match, on a peut-être une chance de rester devant, quand même. Au prochain match, il y a des mecs de la Coupe du Monde qui vont revenir, non? Les mecs éliminés au premier tour, ils sont pas déjà droits. Les Roumains, les Canadiens, normalement, ils devraient être de retour. Ouais, mais nous, nos Canadiens, ils sont blessés, Donc bon, malheureusement. Bah, après, les Roumains, il y a Pungia et Urzache, à Oyona. Vous avez pas des Géorgiens, quand même, qui vont revenir, quand même. Bah, Michelidze. Et après, on a Fatia, qui est au Samoa, et Ratuni Arawa, qui est au Fidji. Qui est les deux mecs du Pacifique, ça. Ça fera pas de mal. Quand même beau la Coupe du Monde. Plus des jokers médicaux, non? C'est, ouais, c'est en recherche, ouais. Mais bon, par rapport à ce que vont entrer les autres les équipes, ça reste quand même assez faible. C'est light. Ouais, ça reste assez faible. C'est avec les moyens du bord. Donc voilà, on va conclure là-dessus, non? Sur Agen, c'est beau. Ouais. Donc j'espère que vous avez passé tous un agréable moment à nous écouter et vous trois à participer. Oui, oui, parfait, ouais. Oui. On se retrouvera peut-être, je sais pas, à la fin du mois, début octobre, peut-être, pour faire un petit point, je sais pas, sur la phase de poule ou après les poules, peut-être. Je suis à votre entière disposition, messeigneurs. On essaiera de s'organiser ça, donc on vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut!